Les ressortissants coréens en Chine en séjour dans leur patrie, So Jong-guk, Park Chan-kyu et Hyun Chun-ok par exemple, disent que la fin misérable de Park Geun-hye abandonnée par le peuple est le jugement naturel. Et d'indiquer, Park Geun-hye a suivi ses parents morts de façon misérable pour leurs crimes commis devant la nation. L'histoire a montré ainsi clairement la fin des traîtres à la nation et à l'opinion du peuple. Park Geun-hye rejeté de sa nation n'a le choix que la tombe.